comme dans un traquenard. Tu croyais être tombé à jamais, à ma merci, toujours employé. Ah. Comme dans la matrice, enviroité jusqu'à l'os, jusqu'au sacrifice. Ah. Tu étais verré comme un saumon. Oui, tu étais une belle. Tu étais une belle. Jusqu'à ce que je me rende compte que ce soit un gros bordel, que ce soit un gros bordel. T'avoir sous ma responsabilité, c'est quoi la responsabilité ici? Pourquoi toi maintenant? De fou, truc de dingue, truc de psycho, pas. You see, I beg, I stole it, I borrowed. Vraiment des pattes, du cerveau. Just can't stand the pain. Over and over and I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I beg, stole and I'm borrowed. Yeah, it used to be so hard. It's what I'm losing. In amor, in amor. see I paid my dues to make it. Light me my fire.